recours abusif au juge administratif. Pour les requêtes abusives introduites à compter du 1er janvier 2017, le tribunal administratif, comme la Cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, peut condamner le requérant à une amende dont le montant maximum est porté de 3 000 à 10 000 euros.